بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم الإسلام ودين السعادة. الإسلام c'est la religion du bien-être. أبا أبو تيمية خليل المرتنيكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، face aux événements qui se produisent ces jours-ci, comme vous le savez, cette guerre insensée et acharnée et incessante contre l'islam qui a lieu dans le monde et tout particulièrement en France ces jours-ci, cela n'a fait que contribuer à susciter la curiosité des gens vers cette religion. Car plus les gens veulent comploter et s'en prendre à l'islam, plus ils ne font que y appeler les gens sans même s'en rendre compte. Naam. Donc de là le sujet choisi par rapport à cette muhadara sera un sujet général. Une lecture d'une risala écrite par notre cheikh Mohamed ibn Hizam al-Yémeni Hafizallahu ta'ala, qui était l'un des grands professeurs de l'institut de Dar al-Hadith qui était à Damaj. Naam. Et cela pour but, comme nous l'avions dit, tout d'abord, d'appeler les gens n'ayant pas encore embrassé cette religion, qui est l'islam. Qu'ils sachent et qu'ils apprennent ses vraies valeurs. Quelle est cette religion? À quoi appelle-t-elle? Et sur quoi se tient-elle? Quel en est l'objectif? Et quelles en sont les plus grandes proscriptions? Il en est de même, cela est un appel également pour les ignorants. Ceux qui s'apparentent à cette religion, mais qui l'ignorent et qui ne la connaissent pas. Pensant en faire partie du fait que leurs origines sont des origines, par exemple, ou de pays dont la religion de base est celle de l'islam. Car cela, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne suffit pas. L'islam est une religion, est une croyance, une application et un suivi. Et non pas un héritage qui se donne de père en fils, basé sur une origine, une race ou sur un prénom. Cela n'est pas suffisant. Et il est connu que cette religion est fortement ignorée auprès des gens et salie par des personnes intentionnées. Et il est connu qu'une chose qui est ignorée est combattue. Lorsque les gens ne connaissent pas une chose, souvent ils la combattent, ils en ont pas. Donc également, aider à faire la distinction entre l'islam et le musulman. On n'emploie pas le terme musulman. Quand on dit musulman, on dit par là le musulman. Car le musulman, le mot musulman, on ne sait pas ce qu'il veut dire. On ne connaît pas son origine. Et des gens ont tendance à changer et déformer les termes afin d'y insérer soit des moqueries, soit des insultes, ou soit des termes dénigrants. Comme ce fut le cas par exemple pour Mohammed, le gens se remettent et l'appelle Mahomet, par exemple, ce genre de choses. Donc le terme musulman, on ne sait pas d'où il vient. Et dans le Coran, on dit le Coran également et pas le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelé muslim et non pas musulman. Donc on reste sur le terme de base. Donc ceux qui ne connaissent pas, lorsqu'ils m'entendent dire le terme muslim, cela veut dire ce qu'eux, ils appellent le musulman. Donc cela également pour appeler à distinguer entre ce à quoi l'islam appelle, car aujourd'hui les gens ont tendance à se baser sur les faits et gestes des musulmans, s'imaginant que tout ce qu'ils font fait partie de l'islam. Que tout ce qu'ils font est ce à quoi appelle leur religion. Et cela n'est pas vrai. La plupart des gens aujourd'hui sont ignorants de cette religion, ils l'appliquent très mal. la connaissent très mal. Donc l'exemple à suivre n'est pas dans les faits et gestes des gens, mais dans la source qui est le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la Sunna, qui est la tradition prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ça que l'on se tient, et c'est ça qu'il faut regarder, et c'est cela qu'il faut calquer, et non pas les gens aujourd'hui comme on les voit. Également, laisser savoir que la religion de l'islam, celui qui est musulman, se tient cette religion où qu'il soit, en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu. Car des gens viennent avec des termes voulant faire effrayer, ou voulant effrayer, comme par exemple le terme radical, ce qu'on appelle radical, l'islam radical. En fait, eux, quand ils disent l'islam radical, ils veulent tout simplement dire un musulman qui est intègre, qui applique sa religion autant qu'il peut. Cela ne s'appelle pas du radicalisme, cela s'appelle de la fidélité, de l'intégrité. Hein, Inch'Allah, de la sincérité. Demain, une personne qui serait dans un pays comme la France, par exemple, ce pays a mis des lois en place pour le afin d'émettre une organisation et que la sécurité des gens soit préservée, leur vie, leurs biens. Est-ce que celui qui applique cette loi, on va l'appeler un Français radical? On l'appelle un citoyen français. Et ces lois, il est obligé de s'y tenir. Sans quoi, il subira des peines pour qu'il ne puisse pas nuire aux autres. Donc quelle est la différence avec l'islam ou toute autre religion? Une personne qui s'affilie à une religion la suit fidèlement. Donc nous disions donc que celui qui tient dans un pays est contraint de se plier à ses lois. D'accord? Qui est fidèle aux lois de son pays pour le bien-être de tous et pour le bon essor de la société, il n'est pas appelé un radical, il est appelé un citoyen. Français par exemple. En guise d'exemple, le code de la route. Ce code de la route est une chose qui était établie afin de préserver la vie, comme nous avons dit, et les biens des gens. Il y a des sens interdits, des priorités, des ronds-points, ainsi de suite. Celui qui enfreint le code de la route, il amène à mettre la vie des gens en danger. Une personne peut mettre la vie en danger d'au moins 100 innocents. Donc comment celui-là, on arrive à le maintenir? Il faut bien sévir contre lui, car il ne veut pas se plier au code de la route, et sa rébellion amène à mettre en danger la vie des autres. Donc il faut bien sévir contre lui. C'est ce qu'ils ont fait. Soit on le fait son permis de conduire, ou les points, et s'il persiste, on le met en prison. Cela est du radicalisme. Et dans l'islam, il en est de même. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette religion est le mode d'emploi de l'être humain. Pour après sa mort et pour sa vie en ce bas monde. Et que celui qui ne se tient pas à cette religion, il y a des sentences contre lui. Car une personne mal intentionnée, donc comment peut-on l'appeler radical? Et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaites. Que l'on connaisse les causes ou pas, celui qui croit, c'est qu'il n'y a que du bien derrière. Donc ces termes radicaux, extrémistes, c'est des termes inventés pour faire fuir les gens de cette religion. Ils n'existent pas. Toi, tu es un musulman pleinement, et alhamdoulilah pour toi, ou soit tu es un musulman faible, car nous sommes tous faibles à la base, mais certains sont plus forts que d'autres, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala t'a appelé à suivre cette religion et t'y tenir jusqu'à ta mort. Donc le prix sera le paradis. En guise de muqaddima, l'introduction, ce qui va suivre. Donc de là, le shirk, après être parti en Malaisie, et qu'il y ait eu la grande ignorance l'instauration des mécréants dans leur pays et toute la corruption que cela a apporté, a décidé d'écrire cette lettre. Qui par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné l'honneur de pouvoir la traduire. Et aujourd'hui, nous allons nous contenter de la lire. Une simple lecture, Inch'Allah, avec quelques ta'likot, quelques petits commentaires afin d'éclaircir certains points par étant obscurs pour l'auditeur. Bi'idhnillah ta'ala. Et celui qui veut revenir, cette lettre également est téléchargeable en format PDF sur le site. Fana bda musta'inina billah. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec l'islam, la guider, ainsi que la lumière et la miséricorde d'Allah. Il dit dans son livre: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui, dans le sens relatif et rapproché, c'est lui qui est, c'est-à-dire un messager des leurs, qui récite ses versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, elle ne sera point acceptée et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc l'islam est une religion qu'il est obligatoire de suivre. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, en parlant à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé comme guise de miséricorde pour l'univers. La religion islamique est celle que Allah a rendue obligatoire pour ses serviteurs, celle qui leur a été, recusant toute autre religion. Il dit dans son livre, subhanahu wa ta'ala, اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. J'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et cette religion n'a été venue que pour le bien de l'humanité et non pas pour lui faire du mal. Et pour faciliter le mode de vie en ce bas monde et non pas pour compliquer, comme des gens pourraient se l'imaginer. Naam. Celui qui s'attache à l'islam trouve en lui la quiétude, une sérénité de cœur et vit dans un immense bien-être. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre: Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyakan harajan ka'annama yus'adu fi as-sama' kadhalika yaj'al Allahu rijz 'ala alladhina la yu'minun. Dans le sens où il dit: Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et qu'il la rend étroite et gelée, comme si c'était possible de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Donc la religion est rendue facile pour celui qu'Allah veut guider. Comme on le voit, des gens qui rentrent facilement en islam, fidèlement et sincèrement. Et d'autres, plus on leur parle, et plus tu les vois fuir et s'enfler d'orgueil. Et ceux-là, quand ils entendent l'islam, leur poitrine se resserre et n'accepte pas la vérité. Naam. Et il dit dans le sens également, dans son livre, il dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا تُنْسَى. On rappelle, pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira: Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? De même que si ne t'étais parvenu et que tu les as oubliés, aussi aujourd'hui, toi-même, tu es oublié. Donc Allah dit bien dans ce verset, explique bien que celui qui n'accepte pas l'islam, dans sa vie, il est malheureux, mal à l'aise, triste, anxieux, angoissé. Et nous le voyons aujourd'hui. Regardez le taux de suicide, chez qui il est le plus haut et le plus élevé, chez les gens ne faisant pas partie de l'islam. Regardez dans les pays d'islam, le taux de suicide, ce genre de choses est très bas. Bien que les gens soient pauvres ou quoi, ils ont un bien-être en eux. Ça, c'est une chose qui est évidente et constatée. Dans le Coran, Allah dit également: وَمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَةَ وَوَمُؤِنَّهُ حَيَّةً طَيِّبَةَ وَنَجْلِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah fait mal, c'est bonne œuvre. Nous les ferons et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Donc celui qui s'accroche à cette religion mérite d'avoir une bonne vie. Quand on dit une bonne vie, ce n'est pas dans le sens forcément qu'il soit riche ou à l'aise, mais dans son cœur, un bien-être immense, que personne ne ressent, hormis celui qui aura goûté à la foi, la vraie foi. Contrairement aux mécréants qui n'acceptent pas l'islam, tu les vois en eux malheureux. Et toute personne s'étant convertie à l'islam témoigne de cela, qu'avant son islam, avant sa conversion, il était malheureux, triste, alors qu'après sa conversion, un réconfort énorme, qui ne s'achète pas. C'est juste une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Après, le shir poursuit en disant dans son livre que celui qui s'accroche à cette religion mérite d'entrer au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans son Coran, dans son livre: Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin ya ibadi la khawfun 'alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi amin udkhulu jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutawafu 'alayhim bi sihafin min dhahabin wa akwabin. C'est-à-dire dans le sens relatif rapproché, les amis proches ce jour-là seront ennemis les uns des autres, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Excepté les pieux. Et Allah dira: Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, et vous ne serez point affligés. ceux qui croient en nos signes et sont muslimines, ce qu'on appelle musulmans, soumis. Entrez donc au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurez éternellement. Voilà la récompense de celui qui meurt sur l'islam sincèrement. Également, celui qui se détourne de l'islam et meurt sur la mécréance sera châtié dans sa tombe après sa mort pour finir châtié dans le feu de l'enfer éternellement. Wali'azu billah. Allah dans le sens, ou Allah dit dans le Coran, dans son livre sacré, si tu les voyais, les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains en disant, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être rétribués par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah, autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Et Allah dit toujours à propos des mécréants, dans son livre, Tabaraka wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَيُقْدَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُوا عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. Dans le sens où il dit, et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer, on ne les achève pas pour qu'ils ne meurent, on ne leur allège rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie longue pour que celui qui raisonne réfléchisse? L'avertisseur, cependant, vous était parvenu. Et vous, eh bien, goûtez, c'est-à-dire votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Wali'az billah. Voilà ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, réserve aux mécréants. Et là, ce qu'on appelle mécréant, c'est celui qui mécroit, qui ne croit pas. Si on lui dit, est-ce que tu crois en Allah? Il te dira, non. Ou, de façon partielle. On lui dira, est-ce que tu crois en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, son messager qu'il a envoyé? Il te dira, non. Tu lui diras, est-ce que tu crois ce qui est écrit dans le Coran, dans le Coran? Il te dira, non. Donc celui-là, il mécroit. Lorsqu'on dit une personne, tu es mécréante, ce n'est pas une insulte. C'est une description. Tout comme toi, si quelqu'un vient te voir, il te dira, en tant que musulman, est-ce que tu crois en Bouddha? Est-ce que tu l'adores? Tu diras, non, je ne l'adore pas et je m'y crois en lui. Donc, ce bouddhiste te qualifiera de quoi? De mécréant. Tu diras, oui, je suis un mécréant, je m'y crois en ta divinité. J'assume parfaitement ce terme. Donc, il en est de même pour celui qui est dans l'opposé. Lorsqu'on le demande, est-ce qu'il croit en l'islam et qu'il dit, non, j'y m'y crois, on dit, pour nous, tu es un mécréant. Donc, il n'y a pas lieu de tomber des nus, de crier, de s'énerver. Normalement, il assume ce terme. Il dit, oui, je suis mécréant. Pour nous, l'islam, c'est très grave, il n'y a pas photo. Mais ce n'est pas une insulte en soi. Car même quelqu'un qui ne croit pas comme il faut, qui croit des choses et en délaisse d'autres, sont rendus mécréants en islam. Naam. Mais ce jugement n'est pas basé à tout va sur n'importe qui, n'importe comment. Attention. Donc il dit que la religion islamique, vous voyez, pour que les gens le sachent, exige de tout musulman d'accorder à chacun son droit. Tout comme il doit respecter le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, en premier lieu, qui est de l'adorer seul. Ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité. Sans rien lui associer. C'est-à-dire que l'adoration pour Allah lui est vouée à lui tout seul. Et à personne d'autre que lui. Et tout ce qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala ne doit être donné à personne d'autre que lui. Les actes d'adoration ne sont pour personne autre que lui. Ni pour le soleil, ni pour la lune, ni pour les astres, ni pour le feu, ni les arbres, ni les pierres, ni la vache, ni les idoles ou les statuettes, ni les tombes, ni les saints, ni les prophètes, ni personne. La totalité du culte ne doit être vouée uniquement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, la prosternation. On ne se prosterne que pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans la salat, dans la prière. Bien que le mot prière n'est pas trop approprié, mais pour que les gens puissent cerner de quoi on parle. Également, l'inclinaison, ce qu'on appelle le ruku en arabe. L'exaltation, l'humilité, l'amour avec ses conditions, la peur avec ses conditions, le vœu, le sacrifice qu'on égorge, on égorge que pour Allah, l'invocation, quand je dis on égorge, c'est-à-dire les animaux que l'on mange, ce qu'on appelle ce qui est halal. Cela n'est égorgé que l'on dans Allah subhanahu wa ta'ala et pour lui seulement. L'invocation, ce qu'on appelle le dua, la recherche de refuge, la recherche de secours, tout cela, les adorations sont des choses immenses, très larges. elle ne se résume pas seulement aux choses apparentes. Les adorations peuvent être dans le cœur, dans les paroles et dans les actes. Allah dans le Coran il dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. Il dit en vérité ma salat, ce qu'on appelle la prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Et à lui, nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Le musulman, il est soumis. Ce n'est pas un choix, s'il se soumet. C'est-à-dire, sa soumission, il l'a choisie, et après, il l'assume pleinement. Il ne l'est pas à moitié, il l'est pleinement, autant qu'il peut. L'islam prescrit également aux musulmans qu'il révère le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Plus que quiconque, que son père, que sa mère, que ses propres enfants, voire même que sa propre personne. Chose se résumant au suivi de sa voix, ainsi que la foi en son message et à sa prophétie. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah dans le Coran, il dit قُلْ إِنَّ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, c'est-à-dire, toi Mohammed, si vous aimez vraiment Allah, là, on met au défi ceux qui disent qu'ils aiment Allah, par ce verset. Si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez-moi Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, suivez le prophète. Cela amènera que Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset est un argument contre ceux qui prétendent dire qu'ils croient en Allah. Eux, ils appellent, ils emploient le terme Dieu. Le terme Dieu, en islam, n'existe pas. Dieu n'est pas un prénom d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala s'est appelé Allah, qui lui-même s'est accordé d'autres prénoms. Les plus beaux prénoms et les plus beaux attributs. Et le mot Dieu n'en fait pas partie. Et ceux qui veulent plus d'indications sur la chose, qui reviennent à l'article sur le site, parlant du fait que on ne nomme pas Allah Dieu par le terme Dieu. Cela n'est pas permis. Donc les gens qui prétendent croire, s'ils sont sincères, doivent suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également dans son livre وَمَنْ يُشَكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est parvenu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, nous le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Wal'a'udhu billah. Donc celui qui connaît Mohammed et qui refuse de le suivre et qui connaît le chemin des croyants, celui-là est considéré comme étant un mécréant. Qui qu'il soit, et quoi qu'il dise, il ne suit pas Mohammed, refuse de le suivre, et qu'il soit les croyants, et quand on dit les croyants dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala vise par là les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car eux étaient les meilleurs des croyants, les plus droits, les plus pieux et les plus savants, avec la meilleure compréhension de la religion. C'est eux qu'il faut suivre, attention, comment comprendre les versets, comment comprendre les hadiths. Les hadiths, ce sont les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui refuse cela, voilà la menace qui plane sur lui. Également, la religion islamique exige du musulman qu'il honore ses parents. Le plus grand droit après celui d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui de son messager, celui des parents, du père et de la mère. Et surtout la mère, avant même le père. Donc il dit qu'il honore ses parents par l'obéissance, la bonté et la miséricorde. Allah dans son livre, il dit وَقَدَ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُن لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Est marqué de la bonté envers père et mère. Et si l'un d'entre eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, 10 points, fi, c'est-à-dire le fait de souffler. Et ne le touche pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse-leur pour eux l'aile de l'humilité. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Mais cependant, l'obéissance des parents n'est pas dans l'absolu, mais celle qui coordonne avec celle d'Allah. Si ton père ou ta mère t'ordonne de commettre un péché, tu ne dois pas leur obéir. Cependant, comporte-toi bien avec eux, sans les rejeter, sans leur parler brusquement, ni les violenter. Non, avec respect et miséricorde. Également, cette religion impose aux musulmans de suivre les gouverneurs, les chefs d'État, cependant lesquels, musulmans. Celui qui vit en terre d'islam doit obéir au gouverneur musulman. Dans l'obéissance d'Allah, il lui obéit dans ce que Allah a rendu permis ou obligatoire. Se basant cela sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons pour habitude, et ce qui est meilleur, de citer les hadiths en arabe. Mais par souci de gain de temps, on va les citer directement en français. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi ? Il incombe aux musulmans d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime ou qu'il aborde. C'est-à-dire d'obéir au gouverneur. Ordonner de commettre une transgression aux lois d'Allah. S'il lui ordonne d'agir ainsi, alors pas d'écoute, d'obéissance. Hadith rapporté par Ibn Omar. Donc voilà, on voit que là, il est obligatoire aux musulmans d'obéir au gouverneur. Et cela amène à quoi ? Au bien-être dans les pays. Ne pas se révolter. Pas de révolte, pas de manifestation, pas ce genre de choses. L'islam est une religion structurée, organisée, basée sur le suivi des gens d'autorité. Naam. L'islam également impose au gouverneur, ça c'est le droit du gouverner, également le gouverneur pour gouverner, qu'il fasse preuve de bonté envers les musulmans, qu'il applique les lois de l'islam, que le gouverneur doit appliquer les lois de l'islam sur leur territoire, en pays d'islam, et que leur point arbitraire lors des jugements soit le Coran et la Sunna, qu'ils jugent selon ce que Allah fait descendre, et non pas parce que les gens ont inventé de leur tête, qu'il applique les sentences, qu'il soit juste envers les gens, qu'il porte assistance aux faibles et à l'opprimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, dans une invocation qu'il a faite, il a dit « Ô Allah, accable le gouverneur de ma communauté qui leur complique les choses. » C'est-à-dire, au gouverner. « Et sois doux envers celui qui leur facilite les choses. » Et le hadith est rapporté par muslim selon Aïcha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le gouverneur également n'a pas le droit de faire ce qu'il veut comme il le veut. Il est comme tout muslim sous les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas au-dessus des lois. Il a un statut supérieur du fait qu'il a autorité, cependant il doit obéir également à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé dans son livre et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Allah dans le Coran il dit quoi ? Également il dit « وَلَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Allah soutient certes ceux qui le soutiennent, c'est-à-dire sa religion, ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent sa salat, acquittent de la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, cependant l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Et dans le Coran, il dit également Allah وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et que ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah fait descendre, les voilà donc les mécréants. Donc attention, le fait de juger par autre que ce que Allah fait descendre, cela est de la mécréance. Cependant, ne pas rendre mécréants les gouverneurs comme cela, à tout va, sous prétexte qu'il aurait fait une chose s'opposant au Coran et à la Sunna. Cela revient aux savants, il y a des règles. Là on parle d'une parole générale. Toute cette parole, cette conférence est basée sur des faits généraux. Cependant, chaque point peut être détaillé de façon minutieuse avec des conditions. D'accord ? Et c'est pour cela que, alhamdoulilah, le muslim, lorsqu'il l'ignore, revient au savant. Et revient à la compréhension des pieux prédécesseurs, qui étaient les compagnons. Comment ce verset a été compris et comment a-t-il été appliqué ? Ce n'est pas tout gouverneur qui commet une erreur ou qui transgresse qui est rendu mécréant. Attention à cela. Cela est une porte très dangereuse. Naam. Et également, l'islam exige de chaque musulman d'être juste et équitable, d'être véridique, de ne pas mentir, de ne défendre que la vérité, que cela soit envers lui-même ou envers autrui. Dans le Coran, Allah dit quoi ? Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'a qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dans le sens où il dit, ô vous les croyants, soyez stricts dans vos devoirs, témoins, et pour un pas à être pratiqué l'équité, cela est plus proche de la piété. Et également dans le Coran, il dit quoi ? Il dit, Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawamina bil qist shuhada'a lillah walaw ala anfusikum aw lil walidayn aw lil aqrabin in yakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima wa la tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in taluhu aw tu'dilu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Ô vous les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véritables, plus contre vous-mêmes, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez que Allah est... Donc dans toute chose, le musulman, il est équitable et juste et véridique. que ce soit contre lui ou contre son propre frère, son propre père ou sa mère, il dit la vérité. Il n'a pas le droit de cacher la vérité et de défendre le faux. Et cela amène à quoi ? À ce que les droits de chacun soient rendus, qu'un innocent ne subisse pas une injustice, ou qu'un coupable ne soit pas libéré d'une chose qu'il aurait commise qui mériterait une sentence. L'islam prescrit également aux musulmans d'honorer son invité, son voisin, qui observe la bienfaisance envers sa famille et ses proches. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il entretienne des liens de parenté. El hadith, muttafaqun alayhi, selon Abu Huraira. Ceux-là sont des droits énormes de dire du bien ou de se taire. Lorsque tu reçois une personne chez toi, que tu l'honores. Que ton voisin, tu l'honores. Tu ne connais pas de désagrément, pas de dommage. Hein, politesse et respect. Ne serait-ce même s'il s'agit d'un mécréant, comporte-toi bien avec lui et rends-lui son droit de voisinage. Et également, les liens de parenté sont des choses à être entretenues. Et plus la personne est proche de toi, et plus le lien est fort. C'est-à-dire la mère, ensuite le père, les frères et sœurs, oncles et tantes, grand-père, grand-mère, ainsi de suite. L'islam interdit ce que le musulman puisse nuire à son frère musulman. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Le hadith muttafaqun alayhi selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, qui n'est pas permis de médire le musulman, de le calomnier, de l'insulter, de l'injurier ou de lui nuire par la main en le frappant, en lui volant ses biens tout de suite. D'accord ? Cela, à la base, cela est interdit. Le musulman a un droit sur toi. Naam. L'islam interdit de nuire aux animaux. Même les animaux ont des droits en islam, comme le constate. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme est rentrée en enfer à cause de quoi ? D'une chatte qu'elle écrouait. C'est-à-dire qu'elle était chez elle. Elle l'empêchait de sortir. Ni elle ne la nourrissait, ni elle ne la nourrissait, et ni elle ne la breuvait. Elle ne la laissait pas sortir non plus pour se nourrir des bestioles de la terre, à tel point qu'elle en mourut. Et le hadith est authentique, selon Abdallah ibn Amr. L'islam également permet, voire même incite au mariage légiféré, dont il résulte une préservation des sexes qui permet de baisser le regard, à proscrire ce qu'on appelle la fornication, c'est-à-dire le fait d'avoir des rapports sexuels hors mariage. D'accord ? Une personne qui n'est pas mariée n'a pas le droit d'avoir de contact avec une femme étrangère, ni physique, ni autre intime, tant que le mariage légal, légiféré n'a pas été établi. Car la fornication a différentes conséquences, mauvaises conséquences. L'une des principales, cela cause la perte du suivi généalogique. C'est-à-dire, la fornication amène à ne plus savoir qui est le père de l'enfant. Si un homme a des relations avec plusieurs femmes, ou une femme avec plusieurs hommes, hors mariage, on ne sait pas qui est le père de qui. Et cela est très important en islam, de savoir la descendance. Et cela amène à de nombreuses maladies. Cela amène également à une violation de l'honneur, une cause d'un coup de guerre. Un frère n'aimerait pas que quelqu'un touche à sa sœur. Un père n'aimerait pas que quelqu'un touche à sa fille. Un fils n'aimerait pas que quelqu'un touche à sa mère, ainsi de suite. Donc cela ramène à respecter les droits des autres. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi ? « Wala takrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. » Et n'approchez point de la fornication. Elle est en vérité une turpitude et un quel mauvais chemin. C'est-à-dire, il n'a pas dit ne forniquez pas, n'approchez pas. Toutes les choses menant à la fornication sont interdites en religion. D'où, par exemple, à titre d'exemple, on interdit la mixité entre les deux sexes. Que les hommes et les femmes étrangères se mélangent les uns aux autres, justement, pourquoi couper court et ne pas arriver à ce résultat. Cette religion est une religion de sagesse. Avant même que tu n'arrives au mal, on te ferme les portes pour ne pas que tu y parviennes. Et pour ceux qui veulent savoir, sur le site, une conférence sur la mixité a été faite avec les causes et les preuves. Qui est à l'école ou dans les situations où cela n'est pas un besoin vital. L'islam également incite à nourrir les pauvres, les nécessiteux, les orphelins, les veuves, et encourage à leur porter assistance et bien, avec bienfaisance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi ? Les efforts pauvres, continue la salat. Hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, muttafaqun alayhi. Également, cette religion interdit de s'octroyer injustement les biens du musulman, de faire couler son sang ou de bafouer son honneur. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certes, votre sang, c'est-à-dire aux musulmans, vos biens, votre honneur, ou sont interdits et sacrés autant que ce jour. C'était le jour de Arafat, pendant le Hajj, à Mekka, au mois de Zilhijja, qui est un mois sacré en islam. Donc il dit quoi ? Vos droits, vos sangs et vos biens sont aussi sacrés que ce jour, dans ce mois, dans cette terre. C'est-à-dire à Mekka. Mekka est une terre sacrée. Le mois, c'est Dhul-Hijjah, le mois du Hajj. C'est un mois sacré. Et le jour, c'est le jour de Arafat. Un jour sacré également. Et le hadith est apporté par Abu Huraira, radiallahu anhu. À ce que ses adeptes s'entraident dans le bien. Dans le Coran, Allah dit quoi ? Wa ta'awanu wa la'in. C'est-à-dire, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. On aide nos frères à faire du bien. Et on ne participe pas, on ne contribue pas à ce qu'ils fassent du mal. Bien à faire attention à ça. L'aide pour les gens a des limites. Tu ne l'aides que dans le bien, dans ce qui est permis. Et ce qui l'amène à commettre un péché, tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Également, point très important, souvent utilisé par les ennemis de l'islam, qui est celui de la femme. Que l'islam est venu pour rehausser le rang de la femme. Il la comble depuis son bas âge, en passant par sa jeunesse et lors de sa vieillesse. Pendant son enfance, elle est sous la charge de ses parents. Durant sa jeunesse, c'est à son époux de se charger d'elle, en fonction de ses moyens. Et lors de sa vieillesse, elle est prise en charge par ses enfants. Donc la femme est réservée dans son foyer. D'accord ? Et pour plus de détails, d'autres conférences et des cours sur les droits de la femme sont présents sur le site, pour ceux qui veulent y revenir. L'islam incite à ce que le musulman mange de ce que ses mains ont œuvré, c'est-à-dire qu'il travaille, ou qu'il ne vole pas, ou qu'il se procure de ses biens de façon licite. Et également interdit de demander l'aumône ou de réclamer les biens des gens. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, dans le Sahih al-Bukhari, il a dit, personne ne mange de meilleurs fruits que celui du travail de ses propres mains. Et que le prophète Daoud alayhi sallam, Daoud, c'est celui que les gens, les mécréants appellent David. En islam, son nom, son vrai nom c'est Daoud alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il mangeait le fruit du travail de ses propres mains. Il était forgeron. Alors qu'il était un roi, et malgré cela, il tentait de manger du fruit du travail de ses propres mains. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme ne cesse de demander aux gens de leur bien, c'est-à-dire tout le temps mendier à qui est mendé, jusqu'à ce qu'il vienne le jour du jugement, le visage en lobeau de chair. C'est-à-dire que faire l'aumône est un grand péché. Demander aux gens de leur bien sans raison valable et vitale, cela est un grand péché. Non. La religion islamique également interdit la fraude, le mensonge, la tromperie dans toute transaction ou échange avec autrui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit « Man rashana falaysa minna » que celui qui dupe, qui trompe, ne fait pas partie de nous. Celui qui dupe ou qui trompe ne fait pas partie de nous. Cela démontre que ceux qui trompent, qui se disent musulmans, qui volent, qui trompent, ces gens-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est innocent d'eux. Et ce comportement n'est pas un comportement à quel appelle l'islam. D'accord ? Cela plutôt est interdit. Également, le mensonge, ainsi que la trahison et la perfidie sont interdits en islam. Et cela est parmi les signes des hypocrites, qu'on appelle les munafiqin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, leurs signes sont de trois. S'il parle, il ment. S'il promet, il enfreint. Et si on lui confie un dépôt, il le trahit. Tout cela est interdit en islam. Celui qui ment en islam aura commis un grand péché. Celui qui promet ce péché. Celui à qui on confie un dépôt et le trahit aura commis un grand péché également. Donc toutes ces choses que l'on voit aujourd'hui fortement répandues au sein des gens de l'islam, cela démontre que cela n'est pas une chose à laquelle leur religion les appelle. Cela est une désobéissance de leur part. Donc ne pas regarder leurs actes, ne pas regarder leurs coutumes et leurs faits. Cela est une transgression. En islam, ne regarde pas les faits de ces gens-là. Il se tient et il suit les prescriptions présentes dans le livre, le Coran, ce qu'on appelle le Coran, et la Sunna, seulement. Et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Taïb. Également, l'islam est une religion de fraternité, comme vous le savez. Innama al-mu'minun al-ikhwa, que les croyants sont juste des frères. Et la fraternité n'est qu'en islam. Le chrétien n'est pas le frère du musulman. Le juif n'est pas le frère du musulman. Le bouddhiste n'est pas le frère du musulman. Juste le musulman est le frère du musulman. Et plus le musulman est droit dans sa religion, plus cette fraternité sera forte et respectée. Et plus il sera désobéissant et transgresseur, et plus celle-ci sera amoindrie. Et qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hein ? Qu'il doit se tuer pour autrui, même pour le mécréant. C'est pour ça qu'on appelle les mécréants l'islam. Nous, on fait bien pour eux, donc on les y appelle. Nous ne sommes pas égoïstes. Cette religion est ouverte à tous. Cette religion est ouverte à tous et doit être suivie par tous les hommes et tous les djinns. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, nul d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et le hadith, selon Anas, radiallahu anhu, muttafaqun alayhi. Naam. De rester et être soudé et être uni. Et que, en cas de litige, de divergence, que le point de retour soit le Coran et la Sunna. Et que la division est interdite. Alors dans le Coran, il dit, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم Comprenez-vous donc tous ensemble au Habl, c'est-à-dire à la religion d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait sur vous-même. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Également, il dit dans le Coran, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Et vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh. Nuh, celui qu'ils appellent Noé. Et ce que nous t'avons révélé. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim. Ibrahim, ce qu'ils appellent et Isa, ce qu'ils appellent Jésus. Tous étaient des prophètes en islam. C'est-à-dire, établissez la religion, n'en faites pas un sujet de division. وَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَّعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَّبَارِحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ صَابِرِينَ Et obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Donc voyez bien que l'une des principales causes de faiblesse de la communauté aujourd'hui, c'est la division de tous ces groupes qui existent. Car la religion à la base est une seule voie droite, une seule compréhension, une seule application, une seule croyance, un seul messager pour les musulmans à la fin. Bien qu'on croit en tous les messagers, mais la dernière loi mise en place pour nous est celle par laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu vois un musulman qui dit a tort, ou les deux ont tort, mais la vérité n'est qu'une. D'accord ? La vérité n'est qu'une. Et le musulman se doit de suivre la vérité. Lorsqu'une preuve lui donner qu'une chose qu'il fait, il n'a pas à le faire, il doit arrêter. Et ne doit pas faire la guerre ou se diviser de son frère pour suivre ce que lui il a en tête. Il doit se tenir au livre et à la sunna. Naam. Également, l'islam rend licite comme nourriture ou autre. Dans le Coran, elle a dit quoi ? وَيُحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُوا عَلَيْكُمْ الْخَبَائِثِ En parlant de son prophète. C'est-à-dire, il leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises choses. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit pas de nuisance à soi-même ni aux autres. Donc toute chose qui nuit à l'homme, en islam, est interdite. Qu'on le sache ou pas. Les interdictions venues en islam ne sont pas venues pour nous châtier ou nous infliger une vie dure, mais plutôt pour nous soulager de bien des maux que nous ne connaissons pas. Comme nous l'avons dit, cet islam, c'est le mode d'emploi pour le bien-être de l'être humain, pour une vie santé, physique, morale, du quotidien de l'homme. L'islam est sa solution. Et la plus grande solution est celle après sa mort pour qu'il rentre au paradis. Naam. Il incombe à chaque être humain de suivre cette grande religion, qu'il s'y accroche en délaissant toute doctrine s'y opposant. Elle est la religion du culte voué exclusivement à Allah. Religion pure pour Allah. Il dit dans le sens, dans le Coran, « Afarele dinna Allah yabroun, walau aslama man fis samawati wal ard, taw'an wa karaha walid yurja'oun. » Désire-t-il donc une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. D'accord ? Donc la religion, cette religion-là, est obligatoire pour tous les êtres humains. Cependant, il doit l'appliquer, la suivre de lui-même, son plein gré. Comme cela viendra, Inch'Allah. Donc de là, se termine cette première partie, qui est pour sujet, qui est l'islam, la religion du bien-être. D'accord ? Et biznillah ta'ala, l'annonce sera faite sur le site pour la prochaine séance, la deuxième partie. J'ai un peu tardé. Je pensais que j'aurais le temps de pouvoir tout lire. Sinon, ce n'est pas le cas. Donc on fera cela en deux audios. De là, nous musulmans à craindre Allah, à se tenir à ce que Allah leur a ordonné dans le suivi de la religion. De dire des paroles justes, d'avoir de bons actes, un bon comportement, de savoir quelle est leur croyance, qu'est-ce qu'il y aurait, on ignore, afin de pouvoir l'appliquer, fidèlement et comme il se faut. Car leur ignorance amène à ce que des gens mal intentionnés puissent se servir de leurs actes et de leurs faits pour salir l'islam. Car ils vont prendre des musulmans qui font n'importe quoi et dire, regardez, alors que leur sang, d'accord, ce meurtre en soi est blâmé en islam. Ce meurtre est blâmé en islam. Ce n'est pas l'islam qui l'a appelé à agir de la sorte. Tout comme ceux qui défendent les injustes qui s'en prennent en islam, cela est blâmé en islam. Aujourd'hui, par exemple, des gens qui disent, je suis Cher Ali, après ce qui se passe. Cher Ali, c'était un journal de gens tenus par des mécréants qui n'aiment pas l'islam. Le musulman ne peut pas s'attribuer à ces gens-là. On n'a pas le droit de dire je suis Charlie. Tu n'as pas le droit de dire cela. Tu es musulman. Et Charlie, c'est moquer de l'islam, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, du livre d'Allah et du Coran. Donc il n'est pas permis de s'attrister à ces gens-là, de vouloir se consoler en faisant preuve de compassion envers eux. Qu'ils soient morts comme ils sont morts, cela est une chose qui les concerne. Mais nous, on aime Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que ces gens-là. D'accord ? Et toute personne qui l'offense, qui l'insulte, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas l'aimer. Maintenant, il est certain que les faits tels qu'ils se sont passés, cela n'est pas appelé par l'islam. De rentrer comme ça et de faire une tuerie comme ces gens-là l'ont fait, car on ne sait pas vraiment qui l'a fait, cela également n'est pas une chose à laquelle l'islam appelle. Donc, ne pas dépasser les limites, ni d'un côté ni de l'autre. Le soir, les gens continuent à pleurer, dire « je suis Charlie ». Cela n'est pas permis en islam. Le muslim, il a une éthique. Il a une croyance et un amour pour la religion. Il ne peut aimer ceux qui n'aiment pas cette religion, qui l'insultent et qui la combattent. D'accord ? C'est en guise de rappel pour nous-mêmes et pour tout le monde. Alors donc, on va s'arrêter ici. Et on dit « Subhanaka lauma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. »